Les Conquistadors par Émile Moreau. Chapitre 1er. Il y a un peu plus de 4 siècles, l'île d'Haïti ne possédait pas de nom géographique. Son existence même, et celle des Caraïbes qui l'habitaient, était aussi ignorée que l'existence du continent auquel elle se rattache. Et l'on n'eût pas plus surpris les Caraïbes en leur parlant des Européens qu'on eût surpris les Européens en leur parlant des Caraïbes. Cette famille importante de la race rouge était cependant fort ancienne. Elle avait eu son berceau dans le nord de l'Amérique méridionale, où ses descendants directs, les Oyampis et les Galibis, survivent encore. C'est de là que les Caraïbes s'étaient répandus dans les grandes et petites Antilles qu'ils occupaient de mémoire d'homme. Ils se donnaient à eux-mêmes le nom de Caribis, Carini, Canibi, guerriers, dont nous avons tiré le mot cannibale, appliqué par extension à toutes les tribus anthropophages, les anciens voyageurs ayant remarqué le goût prononcé de ce peuple pour la chair humaine. Grâce à cette étiquette farouche, on se représente volontiers les Caraïbes comme des bêtes fauves, toujours à l'affût, ne rêvant que sang, massacre et festin horrible, et pourtant, soit dit sans vouloir plaider pour cette façon de se nourrir, les Caraïbes valent mieux que leur réputation. À l'inverse des niam-niam africains au nom si expressif, dont le cri de guerre est de la viande, les Caraïbes ne font jamais d'expédition dont le but soit l'anthropophagie. Tout plein encore d'une ivresse belliqueuse, on les a vus dévorer sur le champ de bataille leurs ennemis vaincus. Mais c'était là l'emportement de guerriers haineux. Ils obéissaient plutôt au besoin d'un supplément de vengeance qu'à une gourmandise blâmable. Ce qui le prouve, c'est qu'ils ne se repaissaient que de la chair de leurs ennemis mâles, les captives qui ont toujours paru aux connaisseurs des morceaux plus délicats et qu'on distribuait aux vainqueurs, au lieu de passer du garde-manger au tourne-broche, devenaient leurs servantes ou leurs femmes. Bien mieux, tandis que les peaux-rouges de l'Amérique du Nord traitent leurs épouses légitimes comme des bêtes de somme et les roues de cou, les Caraïbes partagent avec elles les travaux de la récolte et du foyer. Bref, à part cette habitude évidemment condamnable de ne pas se contenter des beefsteaks d'animaux, les Caraïbes constituaient une race remarquable, industrieuse et sage. Réunis en temps de guerre autour du chef élu pour sa valeur et son adresse, ils se passaient de gouvernement en temps de paix. L'étranger les trouvait toujours affables, compatissants, hospitaliers, sincères, très amoureux de leur indépendance, mais très accessibles à la douceur. Ils le sont moins aujourd'hui, à qui la faute? Cet animal est très méchant. Quand on l'attaque, il se défend. Traqués, trahis, les Caraïbes ont mis en pratique le proverbe populaire « Quand on n'est pas le plus fort, on est le plus traître ». Mais lorsque le lecteur aura terminé ce récit, il jugera lesquels, des Européens ou deux, furent les véritables sauvages. Le soleil vient de se lever dans la mer immense, et ses premiers rayons réveillent les oiseaux dans les branches, frappent un village endormi au fond d'une crique, à l'abri des grands palétudiers. Assis sur un rocher qui domine les flots, un vieillard sonde du regard l'horizon. Il y a dans ses yeux creux de l'inquiétude et de la colère. Ses lèvres murmurent des menaces et parfois son bras nu se dresse comme pour un anathème. Il se lève enfin, distrait par la chanson monotone d'une mère qui berce son enfant. Il considère ses canots tirés sur la plage, ses radeaux qui se balancent sur les vagues, ses cases de roseaux et de branches, couvertes de feuilles de palmiers, groupées autour d'une autre case plus haute, le carbet, où se réunissent les chefs, toute cette calme vallée où s'est passée sa vie, et il secoue la tête avec un long soupir. Mais voici que la mère, qui chantait tout à l'heure, est sortie de sa hutte et l'aperçoit. « Salut, Piaille, » dit-elle en s'inclinant. Le vieillard s'est redressé, de la main il apaise sa poitrine. « Que t'amou le grand esprit soit avec toi, belle Anakwa, » répond-il. « Le sommeil de ton nouveau-né est doux, très doux. » Et la jeune mère soulève la natte de sa case et montre en souriant l'enfant qui dort dans son petit hamac de coton. « Et ton mari, le baillant Kaonabo, le cacique doit attendre impatiemment ta visite pour sortir de son lit et reprendre son arc. Tu sais que le soleil s'est levé 46 fois depuis que mon fils a poussé son premier cri et qu'un vieillard à la peau cuivrée, drapé dans un manteau garni de fourrure et de plumes, sonde du regard l'horizon. C'est aujourd'hui le jour des relevailles de son père. « Je le sais. » Ce disant, le vieux sorcier pénétra dans le tout à bois du cacique, dont Anakwa lui ouvrait la porte. Le mot de relevaille qui vient d'être prononcé mérite explication. les Caraïbes étaient ordinairement polygames. Chaque femme avait sa case bâtie alentour de la case du mari. Cette agglomération formait une sorte de hameau appelé hante. La réunion de ces hantes autour du carbet où mangeaient les hommes constituait un village. Kaonabo, lui, n'avait qu'une femme. Il avait dérogé à l'usage par amour pour elle et ne n'observait pas moins pieusement les autres coutumes de sa race. Or, à la naissance d'un enfant, la coutume était bizarre chez les Caraïbes. Dès que le petit être avait vu la lumière, la mère le lavait, le couchait et vaquait immédiatement à ses travaux domestiques. Le père, au contraire, commençait à geindre, à soupirer, à se plaindre. On l'étendait dans son hamac et ses amis le soignaient comme un malade. On le tenait à la diète durant 5 jours. Pendant 5 autres jours, on ne lui donnait à boire que de l'onikou, une liqueur provenant de la fermentation des patates. Le 12e jour seulement, il avait droit à manger un peu de cassave, et le 40e jour, les parents et les amis banquetaient au carbet, après avoir lacéré la peau du patient avec des dents d'agouti et lavé ses plaies au moyen d'une décoction de piment extrêmement forte. Enfin, au bout de 6 jours, pendant lesquels il jeûnait encore, le père se levait. Et voilà comment ce 46e jour après la naissance de son fils était pour le cacique le jour des relevailles. Ganagari, tel était le nom du sorcier, fit quelques simagrées devant les idoles de poterie jaune qui ornaient la hutte, prononça des paroles magiques et permit au malade de descendre de son hamac. Le cacique ne se le fit pas dire 2 fois. Quelques instants après, il était devant sa maison en costume de chasse, recevant les félicitations de ses voisins, impatient d'aller de nouveau chercher du gibier dans la montagne. « Ne viendras-tu pas d'abord voir ton fils ?» lui demanda doucement la mère. Kaonabo se laissa conduire et sa présence auprès du petit hamac eut ce résultat que l'enfant, en se réveillant, se mit à pousser des cris aigus, effrayé par l'accoutrement de son père, comme Astyanax par le panache d'Hector. Si fructueuse soit ta chasse ou ta pêche, observa le sorcier, tu te souviendras de ne pas manger de cimois, ni oiseaux, ni poissons, de peur que ton enfant ne meure. Le père allait répondre, le vieillard ajouta d'une voix triste et comme se parlant à lui-même, hélas, peut-être vaudrait-il mieux pour lui mourir à 7 heures. Il ne verrait pas. Il s'arrêta, voyant que tous l'écoutaient. « Quelle pensée blottit au fond de tes paroles ? » demanda le cacique. Ganagari secoua la tête et ne répondit pas. Tous insistèrent vainement. La fille du vieillard, qui s'était approchée, vint lui prendre la main. « Père, lui dit-elle avec un sourire câlin, quelles angoisses nous caches-tu ? Pourquoi as-tu si tôt déserté ta couche ce matin ? Depuis la dernière pêche, où les vents contraires ont isolé ta pirogue et retardé si longtemps ton retour, tu vas, le regard à terre comme ceux qui craignent les serpents. Tes nuits sont hantées de songes sinistres, car il t'échappe de grands cris dans ton sommeil, et tu te réveilles les yeux pleins de larmes. Est-ce l'image de la mort entrevue qui te poursuit ? Ton œil divinateur voit-il des malheurs planant sur ta maison ? Et alors, pourquoi ne pas les apprendre à ta fille ? Le vieillard se taisait toujours. Le cacique ajouta. « Vois-tu des calamités menaçant notre race ? Et alors, pourquoi ne pas les révéler au chef de la tribu et à ses guerriers ?» Ganagari regardait l'horizon en silence. « Est-ce, demanda son fils, que tu as revu l'âme de notre mère, et que son souvenir te revient plus douloureux ? Je sais que tu l'as beaucoup aimée, et je comprends le tourment que c'est de se voir séparé de celle qu'on aime. » Le fils du sorcier avait dit ces mots en regardant la belle Anakua. Mais elle ne parut pas les entendre, et sans doute le vieillard ne les entendit point davantage, car il ne répondit pas. Toute sa vie semblait réfugiée dans ses yeux creux fixés sur la mer étincelante. Tous, troublés au fond de l'âme, se taisaient, respectant la sombre rêverie de leur prêtre. « Hélas !» murmura Ganagari, « hélas ! Maudite sous la terre enchantée qui ne porte !» Maudite surtout la mer au flot si beau, à la si douce voix. Il lui tendait le poing. Surprise, sa fille lui passa les bras autour du cou et lui demanda dans un baiser « Que t'ont fait la mer et la terre ?» Et son fils ajouta « Pourquoi les maudis-tu ? Pourquoi ?» Le vieillard eut un rire amer. Il regarda ses enfants. « Vous êtes jeunes, soupira-t-il, toi, Sioni, pur comme la rosée du soir, toi, Tobonaka, fort comme un jeune bananier. Sourire au ciel, c'est votre vie. Se confier au destin, espérer toujours, ne pas croire au mal, c'est de votre âge. hélas. Ce qu'il avait à dire l'oppressait visiblement, et pourtant il n'osait pas se décharger de ce secret redoutable. Il montra à ceux qui l'entouraient la baie inondée de soleil, et il commença, parlant d'abord à voix basse, « Regardez, là-bas, cette anse, où le fleuve va bien mêler ses eaux au flot salé du golfe. Voyez comme il coule magnifique et calme entre les mangliers. La brise berce les palmiers comme des éventails de plumes vertes. Le soleil luit sur les feuilles lisses. Le singe grimpe dans les palétuviers et se suspend aux lianes. L'oiseau-mouche tourbillonne autour des fleurs. La colombe noire se pose sur les roseaux qu'elle courbe à peine. Et dans les branches des arbres et dans les îlots de verdure sommeillent les flamants roses et les hérons gris. Chaque flot luit comme une paillette d'or. Tout est éblouissement, parfum, joie, confiance. Le canard aux ailes irisées vogue en paix. Il ne voit pas plus l'ennemi blotti sous la vase que le chasseur passant dans le sentier ne voit le boa tapis sous les feuilles ou le tigre caché sous les contreforts du Figron. Et cependant, l'ennemi est là, l'alligator énorme aux dents de fer qui nage traîtreusement à travers les herbes, guettant sa proie. Le vieillard se redressa. Vous non plus, vous ne voyez pas l'ennemi, et cependant l'ennemi approche. Demain, aujourd'hui peut-être, apporté par la mer complice, il viendra se ruer sur l'île fortunée dont la richesse le tente. Voilà pourquoi je maudis cette terre et je maudis ces flots. Si désespéré était l'accent de Ganagari, qu'un silence suivit ses paroles. « De quel ennemi parles-tu ? » demanda enfin le cacique. « Les fiers Séminoles descendent-ils du nord nous disputer cette île ? Ou les Arawaks montent-ils du sud chercher une défaite nouvelle ? Qu'ils viennent, nous les recevrons !»« Non, » interrompit le sorcier, « si la mer ne devait jeter sur cette plage que leurs canots, fussent-ils deux fois plus nombreux que les nôtres, Ganagari vous crierait « aux armes !» Ganagari ne gémirait pas. Contre l'ennemi qui nous menace, toute résistance est folie. Leurs canots sont grands à porter une armée. Ils volent sur les vagues, aussi prompts que le cormoran. Leurs yeux voient ou n'atteignent pas les nôtres. Ils ont la foudre dans la main. Les guerriers se taisaient, la lèvre serrée. « Malheur sur nous !» s'écria Nakua. « Ces ennemis-là sont donc des dieux. Ce sont les dieux du mal, les visages pâles. Les êtres qui habitent là où le soleil se lève, ceux dont nos prêtres ont dit « Le jour où ces hommes viendront sera notre dernier jour. » Au mot des visages pâles, un frisson avait couru. Tous la connaissaient bien, l'antique prédiction, la menace qui valait celle de la fin du monde. Hommes et femmes baissaient la tête, affolés, pris de l'effroi qui s'empare du malheureux à qui la terre manque sous les pieds. Le cacique, ce lion, tremblait. Mais, hasarda-t-il, comment sais-tu qu'ils viennent ? Je les ai vus. Les visages pâles ? Ce ne fut qu'un cri d'épouvante. « Je les ai vus, » répéta le vieillard, « dans l'île de la Tortue, où, au retour de la dernière pêche, la tempête avait entraîné ma barque. Caché derrière un rocher, je les ai vus interroger nos pères et se montrer de loin notre île. J'ai vu leur pirogue énorme. » Ganagari n'acheva pas. Son regard devint fixe. Du doigt, il désigna le golfe, et un même mouvement de terreur fit reculer les Caraïbes. Le vent poussait dans la baie les vaisseaux des visages pâles. Anakua se serra contre son époux et regarda en pleurant du côté de l'enfant dont la vue tout à l'heure la faisait sourire. De tout l'effort de leur voile tendue s'avançaient les vaisseaux des Blancs. L'écume fouettait leur peau à triple étage dont une statue dorée dominait la balustrade. Sur la poupe, plus élevée encore et pareille à une tour, se dressaient de grands falots. Debout à l'avant, sous le pavillon flottant, se tenait un homme en costume écarlate dont les gestes réglaient la manœuvre. Des marins, vêtus de couleurs éclatantes, couraient sur le pont, grimpaient au mât, s'apprêtaient à jeter l'ancre. Des soldats qui semblaient tout de fer veillaient, l'arquebuse à la main. Des ombres yeux ouvertes sous le bordage sortaient des gueules menaçantes. « C'est par ces gueules qu'ils lancent le tonnerre, » affirma le prêtre. Et les infortunés frémirent, les pieds cloués au sol, s'attendant à la mort. Les femmes élevaient les mains vers le ciel. « Sauve-nous, Piaï, sauve la tribu, sauve tes enfants !» gémissait la douce Sioni. « Tamou lui-même ne vous sauverait pas, » répondit le vieillard, « et pourtant, il est peut-être un moyen de détourner l'orage. » Tous les fronts se relevèrent. « Lequel ? Ordonne, prêtre !» déclara le cacique. « Ordonne, nous t'obéirons. » Tendez votre esprit comme un arc et écoutez-moi. Ces hommes viennent chercher ici ce qu'ils demandaient à nos frères de l'île voisine, de l'or. Ils semblent attachés à ce métal impropre à tout usage une vertu divine. Pour en avoir, ils sont prêts à mourir et à tuer. S'ils ne cherchent pas autre chose, interrompit le cacique, il est aisé de les satisfaire et nous leur donnerons de l'or autant qu'il leur plaira d'en prendre. Gardez-vous-en bien, malheureux. Ce serait les enraciner ici. Après eux, leurs enfants y viendraient, plus âpres encore, ils feraient de vos fils leurs esclaves, et notre patrie ne serait plus à nous. Quand ils vous demanderont si l'on trouve de l'or sur cette terre, répondez hardiment, non, toujours non, s'agirait-il pour vous de la vie? Faites semblant de ne pas les comprendre, d'ignorer ce que veut dire ce mot. Trompés dans leur espoir, ils quitteront notre île et retourneront chez eux à jamais. La vie parut sage à tous, tous promirent de se taire. Jurez-le, insista le prêtre, jurez de cacher vos ornements d'or, jurez de soutenir que l'île n'en produit pas, jurez, et que Tamou frappe de mort celui qui manquera ce serment, et qu'il fasse de son âme une amère en sans repos. Hommes et femmes tous tendirent la droite nue vers le soleil. Nous le jurons. Ceci se passait le 5 décembre 1492. Ces vaisseaux à proue dorée étaient trois caravelles espagnoles, la Niña et la Pinta, ayant pour capitaine les trois frères Alonso, Banez et Martin Pinzon, navigateurs de Palos, et la Santa Maria, montée par Christophe Colomb. L'immortel génois avait, le 12 octobre précédent, mis le pied sur San Salvador, une des Lucayes. Il naviguait depuis lors dans ce merveilleux archipel qui relie comme un collier la Guyane à la Floride. Cette terre promise, devinée par lui, achetée par tant de misère et d'angoisse, il la touchait donc. Il ne l'avait pas rêvée si belle. Le digne animal ne cessait de bénir Dieu. Il pressentait bien que son bonheur ne durerait guère. Ses compagnons, qui rêvaient déjà le titre de conquérants, comme conquistadores, ils sentaient bien que la soif de l'or les ferait ses ennemis. Déjà Alonso Pinzon s'était séparé de lui, emmenant la Pinta, sa meilleure caravelle. Il est vrai qu'il avait bientôt rejoint l'amiral en s'excusant de son mieux. Mais cette fugue prouvait assez l'impatience où chacun était d'explorer pour son propre compte. Malgré tout, la fermeté de Colomb ne se démentit pas. Cette gloire, qu'on devait sitôt lui disputer, il voulut du moins qu'elle restât pure. Il défendit formellement à ses équipages tout ce qui pouvait ressembler à une violence, à une provocation. Lui-même prêcha l'exemple. En débarquant à Haïti, que pour sa ressemblance avec la Castille, il baptisa l'île espagnole, il usa des procédés qui lui avaient si bien réussi dans les Lucayes. Il donna aux indigènes des bonnets de couleur, des perles de verre, des bagues de laiton, des grelots, qui les amusaient fort. Il se les concilia par son affabilité, tant que, revenus de leur terreur, ils lui apportèrent à leur tour des présents, pelotes de fil de coton, sagaies, jusqu'à des chevrettes, des poissons, des racines et des fruits. En somme, blanc et rouge étaient les meilleurs amis du monde. Les Caraïbes faisaient maintenant reproche aux sorciers de ces prédictions sinistres dont l'homme s'habitue vite à l'espoir. Sioni allait jusqu'à rire de son épouvante passée. Des premières, la curiosité l'avait attiré vers les visages pâles qu'elle charmait par ses étonnements gracieux et ses allures de biche. Tout de suite, ces hommes aux beaux traits, aux riches costumes, aux parlers caressants, lui avaient plu. « Je les aime, » déclara-t-elle ingénument à son père. « Ils sont bons et ne nous veulent que du bien. » Tabouaka partageait l'avis de sa sœur. En attendant, répondait le vieillard, gardez votre serment, et souvenez-vous que si vous y manquez, vous n'aurez pas d'autre bourreau que votre père. Sioni se taisait, mais elle pensait en elle-même. Les Blancs ne me parlent pas avec cette voix-là. Les Blancs, cela voulait dire Rodrigo d'Escovedo, le secrétaire de Colomb, celui dont le mal sourire avait séduit l'innocente Sioni, celui pour lequel elle serait morte sans se plaindre. Les menaces de Ganagari étaient inutiles d'ailleurs. Personne de la tribu n'avait songé à manquer au silence promis. Tandis que Colomb interrogeait, par signe, les naturels sur la position des contrées limitrophes, tâchant de savoir d'eux s'ils étaient bien éloignés encore du continent, ses officiers et ses matelots leur demandaient si le pays ne renfermait point de mines d'or. Invariablement, ils disaient non. Nulle instance ne put leur arracher une autre réponse. Et ils mentaient de façon si naturelle que les Espagnols, après avoir songé à laisser un établissement sur cette rive hospitalière, convaincus que leurs recherches n'aboutiraient pas, résolurent de quitter l'île et de continuer leurs explorations. Un soir, une heure avant le coucher du soleil, Colomb apprit cette nouvelle au cacique, lui annonçant le départ de la flottille pour le lendemain. « Méfions-nous, » recommanda le vieillard, « ceci cache peut-être un piège. Ne laissons pas voir notre joie. » Ce disant, il remarqua, sans trop y prendre garde d'abord, que Sioni n'aurait pas de peine à lui obéir, car elle pleurait. Le lendemain, à l'aube, les Caraïbes s'étaient groupés sur le rivage pour assister au départ des étrangers. Vite inquiets, ils constatèrent tout de suite qu'une des caravelles, c'était la Santa Maria, ne quittait pas la grève. Ceux qui la montaient, et que commandait Escovedo, se tenaient immobiles sur le pont. Les voiles étaient repliées. Au moment où les deux autres vaisseaux levèrent l'ancre, ils saluèrent l'amiral qui avait mis son pavillon sur la Nina. Quand la Nina et la Pinta eurent disparu, ils descendirent à terre. Les prêtres restés avec eux bénirent un promontoire. À côté du drapeau à croix verte laissé par Colomb, ils plantèrent une bannière plus haute, écartelée d'une croix rouge. Et sous les ordres d'Escovedo, les Espagnols se mirent en devoir d'y bâtir un établissement fortifié. « Avais-je tort, conclut le sorcier, de redouter un piège, plus que jamais surveillons notre langue. » Voici ce qui s'était passé. Peu après le soleil couché, la Santa Maria, faisant une manœuvre dans la baie, un timonier inexpérimenté qui tenait la barre, se laissa jeter sur les rochers. La caravelle toucha, et le gouvernail fut engagé. L'amiral ordonna d'établir une ancre à l'avant, afin de touer et relever son navire. Mais le temps pressait, et l'accident était si grave, le navire si compromis, qu'on résolut de l'abandonner. On porta la cargaison sur les deux autres caravelles. Or, à l'aube, au moment où ce travail s'achevait, Escovedo vint trouver Christophe Colomb. « Amiral, commença-t-il, j'aime la fille du prêtre que vénèrent ces Indiens. Mon désir est de l'épouser, après l'avoir convertie. Accepter le baptême, elle y consentira, je l'espère, mais elle ne consentira pas à quitter son île. De mon côté, je tiens peu à revoir l'Espagne, et beaucoup de mes compagnons n'y tiennent pas davantage. Ils préféraient rester avec moi dans ce pays merveilleux, et je suis ici pour vous faire part de leur offre. Des prêtres venus avec vous, une grande partie est disposée à nous aider dans notre travail de colonisation. Puisque cet accident vous force à vous séparer de votre navire, voulez-vous nous en laisser la chaloupe et les canons? Nous bâtirons sur cette baie un fort et un comptoir d'échange, et bientôt, grâce à nous, l'Église et sa Majesté auront au-delà des mers une province et un diocèse. » Colomb avait écouté Escovedo en silence. Il savait que cet homme, joueur effréné et peu scrupuleux, avait quitté l'Espagne pour échapper à ses créanciers. Mais il savait aussi que peu de capitaines possédaient une telle énergie, et pour le diriger dans cette tâche, il comptait sur le concours des prêtres qu'il allait lui laisser. Il donna ses instructions aux hommes qui s'offraient à demeurer dans l'île, conféra avec les missionnaires et partit sans défiance, après avoir donné à Escovedo des provisions et de la poudre qu'ils devaient utiliser seulement pour leur défense. Il leur promit enfin qu'à son très prochain voyage, sa première visite serait pour eux. « En tout cas, se disait l'amiral, puisque l'île ne renferme pas de mines, ce n'est pas le désir de l'or qui le retient. » Le cacique était de l'avis du prêtre. « Que signifie cela ? » se demandait-il. « Pourquoi ces habitants d'un pays qui semble aimer du grand esprit se condamnent-ils à cet exil, si loin du ciel de la patrie ?» Toutes les suppositions étaient inquiétantes. Tabouaka proposa que sa sœur interrogeât adroitement l'officier qui était son ami. La proposition parut bonne, et l'on se mit à la recherche de Sioni. Les recherches furent vaines. Sioni avait disparu.